Si je fixe un point, je vais finir par tomber dedans. Si jamais aucun déchet nucléaire n'a été envoyé dans le soleil, alors moi, je vais le faire.